Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre de mon nez, j'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais. Mon nez, mes mains, mes couilles qui me suivent partout où je vais. Par-ci, par-là, par-là, par-ci, par-ci, par-là, par-là, par-ci. J'en ai marre de mes cheveux, de mes oreilles, de mes bras, de mes pieds, de mon anus, de mon ventre et de mes poils. Ils me suivent partout où je vais, dans la rue, dans le métro, dans mon appartement, tout le temps, partout, partout, tout le temps, tout le temps, partout, partout, tout le temps, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre de ma bouche. Bonne année, pauvre conne, bonne année, pauvre con et patati et patata. Bonne année, bonne santé. J'en ai marre de mes souvenirs, de me souvenir, de mes souvenirs. J'en ai marre de mes ancêtres qui parlent à ma place. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. Allô, chérie, je t'entends pas. Allô, chérie, t'es toujours là. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.